Precious people, précieux peuple, how come the people of the Lord, comment est-ce que le peuple du Seigneur, the church, l'église, cannot detect, ne peut pas détecter, that the season has changed, que la saison a changé. Jeremiah chapter 8 from verse 4 onwards. Jérémie chapitre 8 depuis le verset 4. Jeremiah 8 from verse 4. Jérémie 8 depuis le verset 4. He says, say to them, this is what the Lord says. Il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. When men fall down, do they not get up? Est-ce que l'on tombe sans se relever? When a man turns away, does he not return? Ou se détourne-t-on sans revenir? Why then have these people turned away? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Why does Jerusalem always turn away? Pourquoi Jérusalem s'égare-t-elle toujours? They cling to deceit, they refuse to return. Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. I have listened attentively, but they do not say what is right. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. No one repents of his wickedness, saying, aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, what have I done? Qu'ai-je fait? Each pursues his own course like a horse charging into battle. Tous reprennent leur course, leur propre course, comme un cheval qui s'élance au combat. He says, even the stork, the birds, even the stork in the sky, même la cigogne dans les cieux, even the stork in the sky knows her appointed season. Même la cigogne dans les cieux connaît sa saison. And the dove and the swift and the thrush observe their time of migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. But my people do not know the requirements of the Lord. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, les exigences du Seigneur. I want to begin from here today. Je désire commencer par ici aujourd'hui. Now, when the winter is coming, maintenant, quand l'hiver vient, the leaves change. Les feuilles changent. Even the trees, même les arbres, they can tell, peuvent dire. Even the trees can sense. Même les arbres peuvent sentir. They can sense. Ils peuvent sentir. When the winter is coming. Quand l'hiver vient. And they say to themselves. Et ils se disent en eux-mêmes. If we don't change. Si nous ne changeons pas. We are going to die in the winter. Nous allons mourir pendant l'hiver. Because the leaves. Parce que les feuilles. Surface area. La partie en surface. A lot of water is lost. Beaucoup d'eau est perdue. And also if the cold comes, et aussi si le froid vient, they will receive a lot of cold to destroy the plant. Elles vont recevoir beaucoup de froid qui va détruire les plantes. So in the autumn, alors en automne, the leaves begin to change. Les feuilles commencent à changer. They begin to senesce. It's called senescence. Elles commencent à vieillir. Ça s'appelle le vieillissement. And they shed their leaves. Et elles colorent leurs feuilles. And then when the winter comes, et ensuite, quand l'hiver vient, it finds that they don't have much leaves. Ça se trouve qu'elles n'ont pas beaucoup de feuilles. Exposed. Exposées. So they are preparing for the winter. Alors, elles se préparent pour l'hiver. So even the trees can detect when the season is changing. Même les arbres peuvent détecter quand la saison change. And he says, even the birds in the sky. Et il dit, même les oiseaux dans le ciel. The birds in the sky, les oiseaux dans le ciel. They know. Ils savent. They know when the winter is coming. Ils savent quand l'hiver vient. They say, let us migrate and go back to Africa. Émigrons et retournons en Afrique. Let us go to the tropics where it is warm. Allons vers les tropiques où il fait chaud. And so we can stay there when it's warm. Alors nous pouvons rester là où il fait chaud. The birds in the sky. Les oiseaux dans le ciel. So even the cows, there's a scripture. Et même les vaches, il y a un texte. That the cow knows its owner. Que la vache connaît son propriétaire. I'm talking about the cattle in Africa. Je parle à propos des vaches d'Afrique. In the evening, if you don't collect them, you see them all heading home. Le soir, Si vous n'allez pas les chercher, elles reviennent à la maison par elles-mêmes. How about the people of the Lord? Qu'en est-il du peuple du Seigneur? How come the people of the Lord? Comment est-ce que le peuple du Seigneur, the church, l'Église, cannot detect, ne peut pas détecter that the season has changed? Que la saison a changé. It's very critical. C'est très important that the church will be able to sense, que l'Église soit en mesure de sentir. And what I'm going to discuss today here, et ce que je veux dire aujourd'hui ici, is the prophetic timeline of Jehovah. C'est le calendrier prophétique de Jéhovah. The prophetic timeline. Le calendrier prophétique. Today you are going to understand how close we are to the coming of the Messiah. Aujourd'hui, vous allez commencer à comprendre combien nous sommes près de la venue du Messie. Now, before I do that, maintenant, avant que je fasse cela, I just want to finish this part by saying, je désire juste finir cette partie en disant that when you watch your news today, que lorsque vous regardez vos nouvelles aujourd'hui, it is obvious that something has gone totally wrong on the earth. C'est évident que quelque chose est devenu totalement faux sur la terre. Because you see the suffering of the earth, parce que vous voyez la souffrance de la terre, economic crisis, la crise économique, you see also a lot of tsunami, earthquakes, floods, what New York City evacuated, what things that have not happened before. Vous voyez aussi beaucoup de tsunamis, de tremblements de terre, d'inondations, et encore la ville de New York évacuée, des choses qui ne se sont pas produites avant. The White House evacuated. La Maison Blanche évacuée. The Watchtower of the Earth, the Pentagon evacuated. La tour de contrôle de la Terre, le Pentagone évacué. Things are happening that we have not seen before. The US credit rate downgraded. Des choses arrivent que nous n'avons pas vues avant. Le taux de crédit des USA dégradé. The Greek economic crisis. La crise économique grecque. You see things that we have not seen before, the famine in the Horn of Africa, the famine. Vous voyez des choses que vous n'avez pas vues avant. La famine dans la Corne de l'Afrique, les famines. You see people hungry and dying. Vous voyez des gens affamés et mourants. Dying hungry. Mourant et affamé. Even water to drink, nothing. Même de l'eau à boire, rien. Today when you see these things, you don't need to be a Christian to know that something must have changed. Aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces choses, vous n'avez pas besoin d'être un chrétien pour savoir que quelque chose a changé. And if you are a Christian, then you understand that I think we are coming towards the coming of the Messiah and the end. Si vous êtes un chrétien, alors vous comprenez que je pense que nous allons vers la venue du Messie et la fin. I am going to discuss what we call the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Je m'en vais parler de ce qu'on appelle la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. I am going to discuss the prophecy. Je m'en vais parler de la prophétie of the four horses of the apocalypse. Des quatre chevaux de l'apocalypse. The four horses of the end time. Les quatre chevaux de la fin des temps. So I am going to discuss the prophecy of the four horsemen of the apocalypse. Alors je vais parler de la prophétie des quatre cavaliers de l'apocalypse. You are going to see how the Lord has been sending me across the earth. Vous allez commencer à voir comment le Seigneur m'a envoyé à travers la terre. All over the earth. Tout autour de la terre. To give the prophecy of the events you see on the earth. Pour donner la prophétie des événements que vous voyez sur la terre. To prophesy the release of the four horsemen. Pour prophétiser la libération des quatre cavaliers. And you're going to see the significance of those horsemen in the prophetic timeline of God. Et vous allez voir la signification de ces cavaliers dans le calendrier prophétique de Dieu. Now I am going to start with a vision. Maintenant, je vais commencer par les visions. I know there are four horsemen. Je sais qu'il y a quatre cavaliers. But I want to cover this very summarized, so I'm going to start with the third and the fourth. Mais je désire couvrir ceci en résumant et en commençant par le troisième et le quatrième. This you will not get anywhere, precious people. Just catch it from here. Ceci, vous ne l'aurez de nulle part ailleurs, précieux peuple. Alors, saisissez-le. Now. Maintenant. It was on August 19th. C'était le 19 août. 2008. 2008. August 19th, 2008. Le 19 août 2008. In the vision of night. dans une vision de la nuit. And I was asleep in the night. Je dormais pendant la nuit. When all of a sudden the Lord took me into a vision. Quand soudainement le Seigneur m'a emmené dans une vision. And in that vision the Lord lifted me up. Et dans cette vision le Seigneur m'a élevé. And I found myself standing right before the throne of God in heaven. Et je me suis trouvé moi-même juste devant le trône de Dieu dans les cieux. And the throne of God was covered with tremendous glory of the Lord. Et le trône de Dieu était couvert avec la très grande gloire du Seigneur. In heaven. Dans les cieux. And as I stood before the throne of God, et comme j'étais debout devant le trône de Dieu, at that very moment, à ce moment, then out of the throne, alors du trône, first of all, before anything happened, premièrement, avant que quoi que ce soit se passe, the Lord made me know, le Seigneur m'a fait savoir, that he that sits on the throne, que celui qui est assis sur le trône was seated on the throne. Était assis sur le trône. And the throne was covered with the glory. Et le trône était couvert avec la gloire. Then immediately, ensuite, immédiatement, out of the throne came a creature. Du trône est venue une créature. What I'm going to describe may be a little bit shocking to you, but it's okay. Ce que je vais commencer à décrire va peut-être un peu vous choquer, mais c'est, tout va bien. We need this to be mature as a church. Nous avons besoin de cela pour devenir mature en tant qu'église. It's time to eat the hard food, the strong food. C'est le moment de manger la nourriture dure, la nourriture forte. But anyhow, out of the glory it opened and the creature came out of the glory of the Lord. Mais qu'importe, de la gloire, il est sorti une créature vivante. I am not allowed to describe everything. Je n'ai pas la permission de décrire toute chose. But I will describe a little portion to help you understand. Mais je vais décrire une petite portion pour vous aider à comprendre. So when the creature came out of the throne of God, the glory. Alors quand la créature est sortie du trône de Dieu, de la gloire. The Lord made that creature deliberately come to me. Le Seigneur a fait que cette créature délibérément est venue vers moi. And when he started coming from afar. Et quand il a commencé à venir de loin. I looked at him. Je l'ai regardé. And I was scared. Et j'étais effrayé. I was terrorized. J'étais terrorisé. I feared. J'avais peur. And deliberately the Lord made him come to me. Et délibérément le Seigneur l'a fait venir vers moi. The more he came to me, the more I realized the seriousness of him. Plus il venait vers moi, plus je réalisais le sérieux de ce qu'il était. When the creature came, quand la créature est venue, this is now inside material. Maintenant, c'est du matériel de l'intérieur. These are hidden, this is now inside stuff. Maintenant, ce sont des choses cachées, ce sont des choses de l'intérieur. Inside the throne of God, the kingdom of God. À l'intérieur du trône de Dieu, du royaume de Dieu. This is more like the secrets of God. C'est plus comme les secrets de Dieu being revealed to you. Qui vous sont révélés. So, when the creature came all the way, alors, quand la créature est venue tout le long. In one article I wrote, I was describing the facial. Dans un article que j'ai écrit, je décrivais sa face. I realized he was very serious. J'ai réalisé qu'il était très sérieux. Of the face. Sur sa face. Because of this. À cause de cela. Out of this I could see that he was very very serious. En dehors de cela, je pouvais voir qu'il était très très sérieux. So he was coming. Alors, il venait. But I can tell you that the face. Mais je peux vous dire que le visage was so glorious and very holy. Very very holy. Était si glorieux et très saint, très très saint. Very holy, I trembled. Très saint, je tremblais. And then he came all the way. Et ensuite il est venu tout le long. The rest of him I cannot describe. Le reste à propos de lui je ne peux pas le décrire. And when he reached near me, et quand il est arrivé près de moi, then he turned back. Alors il est reparti. And he went back to the glory and he was covered by the glory. Il est retourné dans la gloire et il était couvert par la gloire. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When he entered inside the glory, quand il est entré à l'intérieur de la gloire, in that vision, dans cette vision, the Lord opened my eyes further. Le Seigneur a ouvert un peu plus mes yeux. Then I was able to see him inside the glory. Et ensuite, j'étais capable de le voir à l'intérieur de la gloire. And I saw him release a black horse, black. Je l'ai vu libérer un cheval noir, noir. I was very surprised though. Et j'étais très surpris. He released the black horse and the black horse came out of the glory by the throne of God. Il a relâché le cheval noir et le cheval noir est sorti de la gloire du trône de Dieu. And when the black horse came, et quand le cheval noir est venu, the Lord ensured that he comes direct to me first. Le Seigneur s'est assuré qu'il vienne vers moi premièrement. When he came direct to me, quand il est venu directement vers moi, then he stood right in front of me like this. Ensuite, il s'est dressé juste devant moi. Comme ceci. There is something the Lord wanted him to show me. Il y avait quelque chose que le Seigneur désirait qu'il me montre. Then I realized that the black horse. Et ensuite j'ai réalisé que le cheval noir. That the black horse in heaven. Que le cheval noir dans les cieux. Actually has long white hair. En fait, a de longs crins blancs. In English they call it mane, M-A-N-E. En anglais, ils appellent ça la mane. La crinière, M-A-N-E, M-A-N-E, la crinière. It's long mane from the neck. C'est une longue crinière depuis le cou. It flows up to somewhere like this. Ça flotte quelque part comme ça. And it is curly, curly. Et c'est bouclé. It's curly like this. C'est bouclé comme ceci. So when he reached near me, alors quand il est arrivé près de moi, the black horse and the rider, le cheval noir et celui qui le montait, and then his white hair. Et ensuite, ses crins blancs. Is super glorious. Ses crins blancs sont très glorieux. And when he reached near me, et quand il s'est approché de moi, he spread out the hair like this. Il a étalé ses crins comme ceci. So the glory came also like this from the hair. When he spread out the hair like this. Et la gloire est venue aussi comme ça de ses crins. The glory came out and spread all over me there. La gloire est sortie et s'est répandue complètement sur moi là. And after that, et après cela, I saw him run around heaven, then he left to the earth. Je l'ai vu courir autour des cieux et il est sorti sur la terre. Then I saw him running across the nations of the earth. Et ensuite je l'ai vu courir à travers les nations de la terre. And then after that, et ensuite après cela, I woke up. Je me suis réveillé. So the first thing in the morning on that day, et la première chose au matin de ce jour, I called the people who are near me. J'ai appelé les gens qui sont près de moi. I called them. I said, "Don't go to your offices." Je les ai appelés. Et je leur ai dit, n'allez pas à vos fonctions. Come quickly, we have emergency meeting in the morning. Venez rapidement, nous avons un rassemblement urgent ce matin. And when we had the meeting in the morning, et quand nous avions ce rassemblement ce matin, in the office, dans mon bureau, I told them not to go to their offices, to come first. We do a meeting before they go. Je leur ai dit de ne pas aller à leur poste, de venir là pour un rassemblement avant qu'ils aillent. I was in shock, actually. Oh, vraiment, j'étais en choc. The only thing I was telling them, la seule chose que je leur disais, I was saying, it is he, it is he. Je disais, c'est lui, c'est lui. I have seen his face. J'ai vu son visage. He is very serious. Il est très sérieux. So they were wondering, what has he seen? Alors ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a vu? I kept saying, it is he. Je continuais de dire, c'est lui. And he is most serious. Et il est très sérieux. And I told them, I have seen him, he is most serious, it is he. Et je leur ai dit, je l'ai vu, il est très sérieux et c'est lui. When I went to the Bible, quand je suis allé à la Bible, to find the black horse, pour trouver le cheval noir, and I told you, et je vous ai dit, that every time the Lord speaks, que chaque fois que le Seigneur parle, you must find it in the Bible. Vous devez le trouver dans la Bible. If you don't find it, God has not spoken. Si vous ne le trouvez pas, Dieu n'a pas parlé. So I went to the Bible and I found him. Alors je suis allé à la Bible et je l'ai trouvé. But let me first finish my part, then we'll read it. Mais laissez-moi d'abord finir ma part et je vais le lire. That was August 19th, 2008. C'était le 19 août 2008. So when I found the part in the Bible, I understood the message. Alors quand j'ai trouvé la partie dans la Bible, j'ai compris le message. I wish you could see heaven. Je désire que vous puissiez voir le ciel. You will give up everything on the earth. Vous allez abandonner toute chose sur la terre. To make sure you enter into heaven. Pour vous assurer d'entrer dans le ciel. But I saw him running all over the nations of the earth like this, like this. Et je l'ai vu courir tout autour des nations de la terre, comme ceci, comme ceci. And so when I went to read what it is, that was August 19th. Alors quand je suis allé pour lire de quoi il s'agissait, c'était le 19 août 2008. It is in a scripture we are going to handle. It's in Revelation chapter 6. C'est un texte que nous allons commencer à prendre en main. Apocalypse chapitre 6. Don't worry about it. Don't go there first. Ne vous inquiétez pas à propos de ceci. N'allez pas là premièrement. So when I found, then I understood the message to the church. Alors quand j'ai trouvé, alors j'ai compris le message pour l'église. The next weekend, the Lord knew that the next weekend I was going to have a very big meeting of more than 2.5 million people. Et le week-end suivant, le Seigneur savait que le week-end suivant, j'allais avoir un très grand rassemblement de plus de 2,5 millions de gens. We cannot fit in the stadium, so you have to have an open-ended field. Nous ne pouvons pas tous être dans le stade. Alors nous avons à avoir un champ ouvert, clos. And so he knew that the next weekend, which was August 23rd and 24th, Saturday, Sunday, I was going to the big meeting. Il savait que le week-end suivant, les 23 et 24 août, le samedi et le dimanche, j'allais aller à ce grand rassemblement. And so when I went to the meeting, et alors, quand je suis allé au rassemblement, I said, j'ai dit, listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi, les nations de la terre. And I said, listen to me, the angels in heaven. Et j'ai dit, écoutez-moi, les anges des cieux. And I said, I have seen the release of the black horse. Et j'ai dit, j'ai vu la libération du cheval noir. And I said, I have seen Jehovah release the black horse. Et j'ai dit, j'ai vu Jéhovah relâcher le cheval noir. Listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi, les nations de la terre. Listen to me, the angels in heaven. Écoutez-moi, les anges des cieux. I have seen the black horse release. J'ai vu le cheval noir libéré. And I've seen him running across the nation. Et je l'ai vu courir à travers les nations. Then I said, Revelation chapter 6. Et ensuite j'ai dit, Apocalypse chapitre 6, verse 5. Le verset 5. And I said, it means there is going to be a global famine coming. Et j'ai dit, ça signifie qu'il va arriver une famine mondiale. A global economic crisis coming. Une crise économique va venir. Famine, economic crisis. Famine et crise économique. Because people go to work. Parce que les gens vont travailler. So they can bring bread on the table. Alors ils peuvent apporter du pain sur la table. Feed their family. Pour nourrir leur famille. Precious people. Précieux peuple. We left Kenya. Nous avons quitté le Kenya. I went to do a big conference in Toronto in Canada to bring this message there. Je suis allé pour faire une grande conférence à Toronto, Canada, pour amener ce message là-bas. And that was end of September, October. Et c'était la fin de septembre et octobre. And while we were saying it, I was still talking about it there. Et pendant que nous étions en train de dire ceci, je parlais à propos de ceci là-bas. Then the pastor came to me in the morning. Alors le pasteur est venu vers moi le matin. Are you aware that the markets have crashed? Êtes-vous au courant que les marchés se sont effondrés? And the global financial markets. Et le marché financier mondial crashed. S'est écrasé. On October 7. Le 7 octobre. They crashed. Ils se sont effondrés. From the west all the way to the east. De l'ouest tout le long jusqu'à l'est. They crashed from the north all the way to the south. Ils se sont effondrés du nord au sud. I was shocked. There is a reason I'm saying this. J'étais choqué. Il y a une raison pour que je dise ceci. August 19th is the vision. Le 19 août était la vision. August 23rd, Saturday, the prophecy is said. Le 23 août, la prophétie a été dite. August 24th, Sunday, it is said. Et le 24 août, le dimanche, ça a été dit. In less than 2 months, the prophecy is fulfilled. En moins de 2 mois, la prophétie a été accomplie. And there is a reason. I just want you to understand the prophetic acceleration. Et il y a une raison. Je désire que vous compreniez l'accélération prophétique. That's what I'm trying to get here. Which means the clock in heaven is moving very fast. Ce qui signifie que l'horloge des cieux se déplace très rapidement. And I gave the example of the earthquake I prophesied on August 23rd. Et j'ai donné l'exemple du tremblement de terre que j'ai prophétisé le 23 août. At 5:15 p.m. East African time. À 17h30 de l'heure est africaine. And less than 5 hours at 9 p.m. that earthquake took place. Et en moins de 5 heures, à 21 heures, ce tremblement de terre a pris place. I just want you to understand the prophetic acceleration, the speed. J'aimerais juste que vous compreniez l'accélération prophétique, la vitesse. That is a very important thing to pick out of this. C'est une chose très importante à prendre. But now listen to this. Mais maintenant, écoutez ceci. The market's crashed. Le marché s'est effondré. People lost a lot of money. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. And the global economic crisis that you see today began. Et la crise économique mondiale que vous voyez aujourd'hui a commencé. And I found out later that the largest global investment bank. Et j'ai trouvé plus tard que la plus large banque économique, called the Lehman Brothers, appelée la Lehman Brothers, first crashed. Premièrement, s'est écrasée. And when it crashed, it did what they call the domino effect. Knock, pam, pam, pam. Et quand ça s'écrase, ça fait ce qu'ils appellent l'effet domino. Pam, pam, pam. All across the earth. Tout autour de la terre. Everybody that was holding their stocks found out that they had zero. Tous ceux qui avaient des réserves ont trouvé qu'ils avaient plus rien. That is one case here. C'est un cas ici. I want to move to the second case. Je vais me déplacer au cas suivant. And then you will understand. Et ensuite, vous allez comprendre. How close we are to the coming of the Messiah. Combien nous sommes proches de la venue du Messie. Now, I was traveling to Venezuela for a national revival. Je voyageais pour le Venezuela pour un réveil national. They had organized meetings in all cities, in the stadium, all cities, in Valencia, in El Tigre, in where, many cities in Venezuela. So I was going. Ils avaient organisé des rassemblements dans toutes les villes, dans les stades, dans toutes les villes au Venezuela, dans toutes les villes, à Valencia, à El Tigre, et encore dans beaucoup de villes au Venezuela. Alors j'y allais. San Félix. Puerto Ordaz. All these cities, they had mobilized. Toutes ces villes s'étaient mobilisées. When we reach South Africa, I have to wait for the aircraft that crosses the ocean. Quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, j'avais à attendre l'avion qui allait traverser l'océan. The next day. Le jour suivant. Because we arrive at 10 a.m. The other flight leaves at 11. Too late to connect. Parce que nous arrivions à 10 heures, l'autre vol partait à 11 heures. C'était trop tard pour se connecter. So I have to wait for 24 hours. Alors je devais attendre pour 24 heures. And in South Africa. Et en Afrique du Sud. I found out. J'ai trouvé. That the floor is free of charge. Que le sol est gratuit. But anyhow, when I slept there with my bag as the pillow. Mais qu'importe, quand j'ai dormi là avec mon sac comme oreiller. There was a lot of announcement going on. Il se faisait beaucoup d'annonces. They are saying the flight number and everything, announcement. Ils disaient les numéros de vol et toutes choses, des annonces. And many people walking by. Et il y avait beaucoup de gens qui marchaient là. So much noise. Tellement de bruit. But in that place. Mais à cette place. When I slept. Quand je dormais. I saw the visions of the Lord. J'ai vu la vision du Seigneur. I was very amazed. C'était très étonnant. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? In the vision. Dans la vision. At the floor, on the floor of the airport. Sur le sol de l'aéroport. The voice said. La voix a dit. Look and see who is coming. Regarde et vois qui vient. And I remember when I looked at my left, on my left. Et je me souviens quand j'ai regardé à gauche, à ma gauche. And then I saw a very powerful big horse. Et ensuite j'ai vu un très puissant, grand cheval. A very powerful pale horse. Un cheval très puissant. And he was coming. Et il venait. And behind him. Et derrière lui. Was as if there is going to be rain, a very big storm, dark green, as if rain is going to fall, you know. C'était comme s'il allait pleuvoir, une très grande tempête. Gris foncé, comme si la pluie allait venir. And so he was coming. Et alors il venait. And then as he came. Et ensuite, comme il venait. There are other details. For example, the Lord brought him very close to me. Les autres détails, par exemple, le Seigneur l'a amené très près de moi. And I realized that on the face of the horse. Et j'ai réalisé que sur la face de ce cheval. Very big horse. Un très grand cheval. There is glory, patches of glory, glory, glory like this on the face. Il y a de la gloire, des parcelles de gloire, de la gloire, de la gloire. Comme ceci sur la face. And I could see the rider. Et je pouvais voir le cavalier. I described that rider in one of the magazines. J'ai décrit ce cavalier dans un des magazines. And you can get this for free. It is in the web. Et vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est sur le web. And I described him there. Et je l'ai décrit ici. And then, after touching his face. Et ensuite, après avoir touché sa face. I saw him going all over the earth. Je l'ai vu aller tout autour de la terre. And then at the same time, et ensuite, dans le même moment, I now saw on another part of the vision. J'ai maintenant vu une autre part de la vision. I then saw the church of Christ in heaven. J'ai vu ensuite l'église de Christ au ciel. By the way, en fait, the Lord has shown me how he will come and take the church. I have seen it. Le Seigneur m'a montré comment il va venir et prendre l'église. Je l'ai vu. Quite a few times, I think almost 4 times. Plusieurs fois, je pense presque 4 fois. I have seen him come and take the church. Je l'ai vu venir et prendre l'église. But I had never seen the church inside heaven. Mais je n'avais jamais vu l'église à l'intérieur des cieux. So this was my first time to really see the church inside heaven. Mais c'était la première fois que je voyais l'église à l'intérieur des cieux. And when I looked at the church inside heaven, et quand j'ai regardé l'église à l'intérieur des cieux, let me describe to you what I saw. Laissez-moi décrire ce que j'ai vu. Worship is very important. L'adoration est très importante. I want you to know that worship is very central to the Lord. J'aimerais que vous sachiez que l'adoration est très centrale pour le Seigneur. Now listen, watch this. Et maintenant, écoutez, regardez ceci. Watch this. Regardez ça. The church was worshiping before the throne of God. L'église adorait devant le trône de Dieu. And the church was worshiping he that sits on the throne. Et l'église adorait celui qui était assis sur le trône. And the lamb. Et l'agneau. He that sits on the throne and the lamb. Celui qui est assis sur le trône et l'agneau. And I did not know what we will look like. Et je ne savais pas de quoi nous aurons l'air. In heaven. Au ciel. I used to think that the body which is transformed to be glorious. J'avais l'habitude de penser que le corps qui est transformé pour être glorieux. I used to think that that is also the wedding gown. J'avais l'habitude de penser que ça c'est aussi la robe de mariée. But on that day I realized what it would look like. Mais en ce jour, j'ai réalisé de quoi ça aura l'air. They were wearing glorious bodies. Ils avaient des corps glorieux. And they also had long glorious gowns, white and glorious. Et ils avaient aussi de longues robes glorieuses. Blanche et glorieuse. And the gown reaches down there. Et les robes arrivaient en bas là. And flows a little bit. Ça s'élargit un peu. When the gown reaches down, it flows a little bit like this. Et quand les robes arrivent en bas, ça s'élargit un peu comme ceci. And one thing that I saw is this. Et une chose que j'ai vue est ceci. They were worshiping the sweetest worship I have ever heard with my ears. Ils adoraient la plus douce adoration que je n'ai jamais entendue dans mes années. And they were not doing different directions. Et ils ne faisaient rien dans une direction différente. I remember. Je me souviens. Their hands were lifted up before the throne. Leurs mains étaient levées devant le trône. And they all went in unison in one direction like this. Et ils allaient tous à l'unisson dans une direction comme ceci. And they all came back in another direction together like this. Et ils revenaient tous dans une autre direction ensemble comme ceci. And it was such a high worship. Et c'était une telle haute adoration. It was a big revival in heaven. C'était un grand réveil dans les cieux. And as for me, from where I was, et pour moi, d'où j'étais, when they moved like this, quand ils se déplaçaient comme ceci, their garments, leurs vêtements, it gave like this a lot of glory, emitting glory like flashes of cameras. Ils venaient comme ça, beaucoup de gloire, un rassemblement de gloire. Comme ceci. Thousands of cameras. Comme des flashs de caméras. Comme 1000 caméras. There was glory from their garments as they went like the glitter. The glory. Pia, pia, pia. C'était beaucoup de gloire. Il y avait de la gloire sur leurs vêtements comme ceci. Des scintillements. La gloire. So from where I was, it was a lot of flashes from their garments. Glory, glory, coming. Alors depuis là où j'étais, il y avait beaucoup de flashs de leurs vêtements. De la gloire venant. Like many camera flashes. Comme beaucoup de flashs de caméra. The power of the glory on their garments. Le pouvoir de la gloire sur leurs vêtements. And then after that, et ensuite, après cela, I woke up. Je me suis réveillé. Then I found that I was on the floor of the airport. Et j'ai trouvé que j'étais sur le sol de l'aéroport. Then I began to prophesy. Ensuite, j'ai commencé à prophétiser. The coming of the pale horse. La venue du cheval verdâtre. The rider of the pale horse. Le cavalier du cheval verdâtre. So I want to begin with those two. Alors, je désire commencer avec ces deux. That you may understand why the Lord has sent me here. Que vous puissiez comprendre pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. And then I started going to Venezuela, to Australia, wherever, South Korea. Et on était Venezuela, et ensuite j'ai commencé à aller au Venezuela, en Australie et encore la Corée du Sud, prophétisant the coming of the pale horse. La venue du cheval verdâtre. Because I found it in the Bible. Parce que j'ai trouvé dans la Bible. Now listen, precious people. Maintenant, écoutez, précieux peuple. I want to begin with these two prophecies. Je désire commencer avec ces deux prophéties. Now listen very, very carefully now. Maintenant, écoutez très, très attentivement maintenant. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? Now, every time Jesus Christ of Nazareth. Chaque fois que Jésus-Christ de Nazareth. Every time he ministered to people. Chaque fois qu'il révèle quelque chose à quelqu'un. In fact, when you look at the ministry of Jesus. En fait, quand vous regardez le ministère de Jésus. You can mark from where he ministered to people and where the ministration ended. Vous pouvez marquer depuis quand il a commencé à s'occuper des gens. Et jusqu'à quand son ministère s'est terminé? Every time Jesus ministered to people, chaque fois que le Seigneur prenait soin des gens, at the end of the ministration, à la fin du ministère, there was always one common thing that he did. Il y avait toujours une chose commune qu'il faisait. He always withdrew from the public. Il se retirait toujours du public. If you wanted to know where did this ministration end, si vous désirez savoir quand ce ministère s'est terminé, just look at the place where he finished and he withdrew from the public. Regardez juste au moment où il finissait et il se retirait du public. So listen to these precious people. Alors écoutez ceci, précieux peuple. Every time Jesus ministered, chaque fois que Jésus a pris soin des gens, when he finished ministering, quand il a fini de pourvoir à leurs besoins, he always withdrew. He always diminished. He shrunk from the public. Il se retirait toujours du public. And every time he withdrew, et chaque fois qu'il se retirait, it's amazing. C'est étonnant. I understood what it means to sleep on the rock. J'ai compris ce que ça veut dire de dormir sur le roc. In South Africa. En Afrique du Sud. Because. Parce que. Our precious Lord Jesus. Notre précieux Seigneur Jésus. He had no home to go to. Il n'avait pas de foyer où aller. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? Every time he finished and he was tired, he wants to go and just rest. Chaque fois qu'il avait fini et qu'il était fatigué et qu'il voulait s'en aller et juste se reposer, he had no home to go to. Il n'avait pas de foyer où aller. He always withdrew to the Mount of Olives. Il se retirait toujours sur le Mont des Oliviers. He liked going to the Mount of Olives. Il aimait aller sur le Mont des Oliviers. And every time he reached the Mount of Olives, et chaque fois qu'il arrivait au Mont des Oliviers, he rested on the rock. Il se reposait sur le roc. He had no home. Il n'avait pas de foyer. And when he rested there, et quand il se reposait là, the Holy Spirit ministered to him, le Saint-Esprit lui parlait and strengthened him, et le fortifiait and energized him, et lui donnait une nouvelle énergie. But listen to this. Mais écoutez ceci. It was in one of those days, c'était un de ces jours, one of those moments, un de ces moments, when Jesus had finished ministering, quand Jésus avait fini de prendre soin des gens, when he was withdrawing to the Mount of Olives, quand il se retirait au Mont des Oliviers, that his disciples came up to him, que ses disciples sont venus vers lui, and follow this very carefully. This is very key. Et suivez ceci très attentivement, c'est très clé. The disciples came up to him, les disciples sont venus vers lui, and they asked him, et lui ont demandé, they said, Lord, ils ont dit, Seigneur, look at the temple buildings, regarde ces bâtiments du temple, look how beautiful, regarde comme ils sont beaux. The other version says, d'autres versions disent, he says they try to draw his attention to the temple buildings. Ils disent, ils essayaient d'attirer son attention sur les bâtiments du temple. And Luke, for example, Luke says, et Luc par exemple, Luc dit, Luke says, Luc dit, they try to draw his attention to the magnificence of the buildings. Ils ont essayé d'attirer son attention sur les magnificences du bâtiment. The stunning architecture. L'architecture étonnante. The outstanding buildings. Ces remarquables bâtiments. And Luke says also, et Luc dit aussi, that they also try to draw his attention to the gifts that were brought into the temple, the gifts. Qu'ils ont aussi essayé d'attirer son une attention sur les dons qui ont été apportés au temple. The gifts of gold. Les dons d'or. Because they used those gifts to build the pillars and to put on the roof gold. The pillars were covered with gold. Parce qu'ils ont utilisé l'or pour construire les piliers et pour le toit, les piliers étaient couverts d'or. And so they came to him and said, Lord, look at how beautiful the temple buildings are. Et alors ils sont venus à lui et lui ont dit, Seigneur, regarde comme ces bâtiments du temple sont beaux. And the Bible says, et la Bible dit, that when Jesus tried to answer them back, que lorsque Jésus a essayé de leur répondre, he broke their hearts. Il a brisé leur cœur. He disappointed them. Il les a désappointés. Why? Pourquoi? Because he said, parce qu'il a dit, do you see these buildings? Vous voyez ces bâtiments? The time is coming. Le temps vient when none of them, où aucun d'entre eux, when all have to be brought down, tous vont s'écrouler, where no stone will be left on another, où aucune pierre ne restera l'une sur l'autre, all will be brought down to the extent that not even one stone will be left on another, tout va s'écrouler jusqu'au point où aucune pierre va rester l'une sur l'autre. They were very shocked. Ils étaient très choqués. They asked why. Ils ont demandé pourquoi. I'm sure they were asking them, why would someone bring down such beautiful buildings? Je suis sûr qu'ils demandaient pourquoi est-ce que quelqu'un détruirait ce magnifique bâtiment? The temple of God. Le temple de Dieu. And so, et alors, it took a very short time. Ça a pris très peu de temps. And the disciples quickly understood. Et les disciples rapidement ont compris. They said, oh. Ils ont dit, oh. To themselves. En eux-mêmes. They realized he is talking about the signs of the coming of the Messiah. Ils ont réalisé qu'il parlait à propos des signes de la venue du Messie. And the signs of the end of the age. Et des signes de la fin des temps. So they said, oh, that is the only time this can happen. Alors ils ont dit, c'est le seul moment où ça pourrait arriver. So they came to him. Alors ils sont venus à lui. And they asked him, Lord. Et ils lui ont demandé, Seigneur. When will that happen? Quand est-ce que ça va arriver? And what will be the signs of your return? Et quels seront les signes de ton retour? And what will be the signs of the end of the age? Et quels seront les signes de la fin des temps? Again, the signs of your return, encore, les signes de ton retour, the signs of the coming of the Messiah, les signes de la venue du Messie, and the signs of the end of the age, et les signes de la fin des temps. When Jesus, it's amazing, this is beautiful. Quand Jésus, c'est étonnant, c'est beau. When Jesus began to reply them, quand Jésus a commencé à leur répondre, then the most important prophecy in the whole Bible was birthed out. Alors, la plus importante prophétie de toute la Bible est née. Then the most important prophecy in the whole Bible was produced. Et la plus importante prophétie de toute la Bible a été produite. And that is what we are going to look at. Et c'est ce que nous allons voir. And that is the horseman you see I was prophesying. Et c'est le cavalier que vous voyez, j'ai prophétisé. So why the most important prophecy in the whole Bible? Alors, pourquoi la plus importante prophétie de toute la Bible? Because all the other prophecies in the Bible, parce que toutes les autres prophéties de la Bible, they just revolve around this one. Juste elles tournent autour de celle-là. They just revolve around this most important prophecy. Juste elles tournent autour de cette très importante prophétie. Why do I say so? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because parce que this is the prophecy, parce que c'est la prophétie that gave the secrets, qui a donné les secrets, that defined the events, qui définissent les événements, that would happen, qui arriveront right before the Messiah comes back. Juste avant que le Messie revienne. The Holy Spirit wrote the Bible. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. The reason the Holy Spirit wrote the Bible. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a écrit la Bible. Is that when you read the Bible, c'est pour que lorsque vous lisez la Bible. One day, un jour. You might enter the kingdom of God. Vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. That's why you begin to understand this is the most central prophecy in the whole Bible. C'est pourquoi vous commencez à comprendre pourquoi c'est la plus importantes prophéties de toute la Bible. And because Jesus was seated on the rock of the Mount of Olives, et parce que Jésus était assis sur le rocher du Mont des Oliviers, talking to them, leur parlant, as he gave this prophecy, alors qu'il donnait cette prophétie, it is called the Mount of Olives prophecy. C'est appelé la prophétie du Mont des Oliviers. Olivet prophecy. Olivet prophétie. Alléluia. Alléluia. So that's where I want to begin, and you're going to be stunned. You're going to be very surprised. Et c'est là que je vais commencer, et vous allez être très étonné, très surpris. And I told you this is very rich, this is very powerful. This one here. Et je vous ai dit, c'est très riche, c'est très puissant, celle-ci là. There is no time to preach money. Il n'y a pas de moment pour prêcher l'argent. So a seed, get miracle, what, buying, selling the blood. There is no time. We need to handle this issue that nations may enter. Semer une graine, ayez un miracle, quoi, acheter, vendre le sang. On n'a pas le temps. Nous avons à prendre en main cette question. Cette nation doit entrer. This is very critical to the church, this one here. C'est très critique pour l'église, celle-ci ici. Now listen to me. Maintenant, écoutez-moi. When you go into the Bible, quand vous allez dans la Bible, and examine the four glorious gospels, et que vous examinez les quatre glorieux évangiles, the four glorious gospels, les quatre glorieux évangiles, when you look at the book of Matthew, quand vous regardez à l'évangile de Matthieu, Matthew detected the gravity of this prophecy. Matthieu a détecté la gravité de cette prophétie. He understood that this thing is very central. Il a compris que cette chose est très centrale. And Matthew put it in Matthew chapter 24. Et Matthieu l'a mis dans Matthieu 24. Matthew 24. Matthieu 24. When you go to the book of Mark, quand vous allez dans l'évangile de Marc, Mark realized that this is very key. Marc a réalisé que c'est très clé. And Mark put it in the book of Mark chapter 13. Et Marc l'a mis dans l'évangile de Marc, chapitre 13. When you go into the book of Luke, quand vous allez à l'évangile de Luc, we are looking at the four glorious gospels. Vous regardez dans les quatre glorieux évangiles. When you go to the book of Luke, quand vous allez à l'évangile de Luc, when you look for it in the book of Luke, quand vous cherchez pour cela dans l'évangile de Luc, you find that Luke detected the significance of this prophecy. Vous trouvez que Luc a détecté la signification de cette prophétie. And he put it in Luke chapter 21. Et il l'a mis dans Luc chapitre 21. When you walk into the book of John, the fourth glorious gospel. Quand vous allez à l'évangile de Jean, le quatrième glorieux évangile. Then you are shocked. Alors vous êtes choqué. Because you find that John did not record it. Parce que vous trouvez que Jean ne l'a pas enregistré. And the question is why? Et la question est pourquoi? Why would John not record it? Pourquoi est-ce que Jean n'en parlerait pas? Why would John not write such an important prophecy? Pourquoi est-ce que Jean n'écrirait pas une prophétie tellement importante? Only later is when I understood. C'est seulement plus tard que j'ai compris. Because parce que if it is the most central prophecy in the whole Bible, si c'est la prophétie la plus centrale de toute la Bible, I should get it in the Gospels of the ministry of Jesus. Je dois la trouver dans les évangiles du ministère de Jésus. I should get it in the four glorious Gospels that describe déjà the beautiful ministry of Jesus. Et je devrais les trouver dans les quatre glorieux évangiles qui décrivent le beau ministère de Jésus. You don't find it in John. Vous ne le trouvez pas dans Jean. In John, you don't find it. Vous ne le trouvez pas dans Jean. Later is when I understood. Plus tard, c'est quand j'ai compris that John was put apart. Que Jean était mis à part. John was put aside. Jean était mis de côté. John was separated. Jean était séparé. That he may receive the revelation of this prophecy. Pour qu'il puisse recevoir la révélation de cette prophétie. That when John receives the transcript of the revelation of this prophecy. Quand Jean a reçu le transcrit de la révélation de cette prophétie. And John records it in Revelation chapter 6. Et Jean l'a enregistré dans Apocalypse chapitre 6. When we read the prophecy, quand nous lisons la prophétie, and then we watch our news, et ensuite nous regardons les nouvelles, and go to Revelation chapter 6, et allons à Apocalypse chapitre 6, then we can now understand. Alors nous pouvons maintenant comprendre. Say, oh, now I understand. Maintenant je comprends. Now I understand what I'm seeing in the news. Maintenant je comprends ce que je vois aux nouvelles. Now I understand how close we are. Maintenant je comprends combien proches nous sommes to the coming of the Messiah. De la venue du Messie. So let me walk with you step by step. Alors, laissez-moi aller avec vous pas à pas. Let us go to the book of Matthew chapter 24. Allons à l'évangile de Matthieu chapitre 24. Alléluia. Alléluia. So listen, precious people. Alors, écoutez, précieux peuple. How beautiful the end time revival is. Combien beau est le réveil de la fin des temps. It has no limit. Il n'a pas de limite. It does not belong to anybody. Il n'appartient à personne. Non. It is for the Messiah. Il est pour le Messie. Alléluia. Alléluia. I did not want to forget to say that. Je n'ai pas désiré oublier de dire ça. And tremendous works of the Lord is incredible. It's totally astronomical. Une très grande œuvre du Seigneur. C'est incroyable. C'est totalement astronomique. Nobody, even me, I'm surprised. I don't know. I did not know the bounds of the end time revival. Personne, même moi, je suis surpris. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas les limites du réveil de la fin des temps. The end time revival has no boundary. Le réveil de la fin des temps n'a pas de limite. The intensity has no boundary. L'intensité n'a pas de limite. And the extensiveness has no boundary. Et l'extension n'a pas de limite. And that will light up a fire in your heart. Et ça va allumer un feu dans votre cœur. And these will light up your hearts with fire. Et ceci va éclairer votre cœur avec du feu. This revival does not belong to anybody. Ce réveil n'appartient à personne. It does not belong to anybody. Il n'appartient à personne. This revival is for the Lord. I am just a slave. I'm a slave, a vessel. Just a vessel. Ce réveil est pour le Seigneur. Je suis juste un esclave, un récipient, juste un récipient. I am looking for the potholes on the road. Je cherche les nids de poules sur la route. And I am putting sand with a spade to make sure my king will have a way. Et je mets du sable avec une pelle pour m'assurer que mon roi aura un chemin. Alléluia. Alléluia. So listen, precious people. Alors écoutez, précieux peuple. I want us to handle this in a very short time. J'aimerais que nous prenions ça en main dans un temps très court. And you will understand the gravity of the message the Lord has sent here. Et vous comprendrez la gravité du message que le Seigneur a envoyé ici. Now, maintenant, let us turn to Matthew 24. Tournons à Matthieu 24. And see what the Lord is talking about. Et voyons de quoi le Seigneur est en train de parler. Now, Matthew 24. Maintenant, Matthieu 24. I'm reading from verse 1. Je lis du verset 1. He says from verse 1. Il dit du verset 1. He says, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verse 2 says, le verset 2 dit, Do you see all these things? Jesus asked. Est-ce que tu vois toutes ces choses? Lui demandèrent-ils. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. Not one stone here will be left on another. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Everyone will be thrown down. Toutes vont être renversées. Verse 3 he says. Au verset 3 il dit. Jesus was sitting on the Mount of Olives. Jésus était assis au mont des Oliviers. Meaning he was sitting on the rock, the stone on the mountain. Signifiant qu'il était assis sur le roc, sur les pierres de la montagne. Jesus was sitting on the Mount of Olives. Jésus était assis au mont des Oliviers. As Jesus was sitting on the Mount of Olives. Encore, comme Jésus était assis au mont des Oliviers. The disciples came to him privately. Les disciples sont venus à lui en privé. If I were you and I meet the word privately, I would underline it. Si j'étais vous et que je rencontre le mot en privé, je le soulignerais. I would mark the word privately. Je marquerai le mot en privé. The disciples did not come up to Jesus publicly. Les disciples ne sont pas venus à Jésus publiquement. They came up to him. Ils sont venus à lui privately, en privé. And he was sitting on the rock on the Mount of Olives. Il était assis sur le roc du mont des Oliviers. Which means they came privately. Ce qui signifie qu'ils sont venus en privé. At the feet of the Lord. Au pied du Seigneur. Let's see what they said. Voyons ce qu'ils ont dit. Again, the disciples came to him privately. Encore, les disciples sont venus à lui en privé. Tell us, they said. Dis-nous, ont-ils dit. When will this happen? Quand est-ce que ça va arriver? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Et quels seront les signes de ta venue et de la fin des temps? Which means, ce qui signifie, when Jesus said that this temple, the temple buildings must be brought down, quand Jésus a dit que ce temple, ce bâtiment du temple doit s'écrouler, the disciples received a revelation from the Holy Spirit. Les disciples ont reçu la révélation du Saint-Esprit. But that time the Holy Spirit has not been released to them. Mais en ce temps, le Saint-Esprit n'avait pas été libéré sur eux. Let me explain to you. Laissez-moi vous l'expliquer. How it happened. Comment est-ce que c'est arrivé? One time, une fois, Jesus was asking the disciples a question. Jésus posait une question aux disciples. But he asked it like a parable. Mais il a demandé ça comme une parabole. He came to them, il est venu à eux and he asked them, et il leur a demandé. He said, il a dit, who do people say I am? He said to them. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Leur dit-il. The disciples did not know that that was directed to them. Les disciples ne savaient pas que ça leur était destiné. He asked as if he's asking about the other people. Il leur a demandé comme s'il demandait ce que pensaient d'autres gens. Who do people say I am? Qui est-ce que les gens disent que je suis? And then they said everything. Some of them say you are the prophet of old, has come back and all this, you know. Et ensuite ils ont tout dit. Certains ont dit tu es un prophète d'autrefois qui est revenu et tout ça. And then he turned to them. Et ensuite il se tourne vers eux. How about you? Qu'en est-il de vous? Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? And then Peter. Et ensuite Pierre. Simon Peter. Simon Pierre. Peter said. Pierre a dit. You are Christ, the Son of the Living God. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. And the Lord turned to Peter. Et le Seigneur s'est tourné vers Pierre. And said Peter. Et a dit Pierre. That has not come from the world. Ça ne vient pas du monde. Only my Father must have released that to you. Seul mon Père doit avoir révélé ceci. You see the evidence of the wisdom of the Holy Spirit before the Pentecost. Vous voyez l'évidence de la sagesse du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Before the Pentecost. Avant la Pentecôte. Already the Father could release some wisdom to the disciples. Déjà le Père peut donner quelque sagesse à ses disciples. And the Lord said, only my Father must have released to you. Et le Seigneur a dit, seul mon Père peut te l'avoir révélé. And that is the Holy Spirit. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. In the same way, de la même manière, when they realize that he is saying that these buildings must come down, quand ils ont réalisé qu'il disait que ce bâtiment va tomber, then they quickly realize that this must be the wisdom the Lord revealed to them. Ils ont rapidement réalisé que ça doit être la sagesse. Le Seigneur leur a révélé that this must have to do with the coming of the Messiah, que ça doit avoir à faire avec la venue du Messie, and the end of the earth, the end of the age, et de la fin du monde, de la fin des temps. And so he says, they came up to him privately. Et encore, il dit, ils sont venus à lui en privé. I would underline the word privately. J'aimerais souligner le mot en privé. And then he says, et ensuite il dit, again, tell us, they said. Encore, dis-nous, ont-ils dit. When will this happen and what will be the signs of your coming and of the end of the age? Quand est-ce que ça va arriver et quels seront les signes de ta venue et de la fin des temps? In verse 4. Dans le verset 4. Oh, my heart is full of joy about verse 4. Oh, mon cœur est plein de joie à propos du verset 4. Verse 4, when Jesus answered them. Verset 4, quand Jésus leur a répondu. The most important prophecy, the most important reason for me to come here was given. La prophétie la plus importante, la raison la plus importante pour laquelle je suis venu ici pour vous le donner. The most important prophecy in the whole Bible was now given out. La prophétie la plus importante de toute la Bible était maintenant donnée. Listen to what he says, verse 4. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Jesus answered. Jésus a répondu. Watch out that no one deceives you. Prenez garde à ce que personne ne vous séduise. If I were you and I meet the word deceive, I underline. Si j'étais vous et que je trouve le mot séduire, je le soulignerais. I don't know about you, but if I were you. Je ne sais pas à propos de vous, mais si j'étais vous. And I meet the word deceive. Et que je trouve le mot séduire. I would underline it. Je le soulignerai. I would highlight it. Je voudrais l'éclairer. And mark it. Le marquer. Because Jesus is beginning to release the secrets of God. Parce que Jésus commence à relâcher les secrets de Dieu. Why would I underline it? Pourquoi est-ce que je le soulignerais? Why is this most critical? Pourquoi est-ce que c'est si critique? Because the Bible says, parce que la Bible dit, Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. Like a thief, nobody will know when he comes. Comme un voleur. Personne ne saura quand il vient. Nobody will know when he comes. Personne ne saura quand il vient. If there are any secrets that we should watch for, et s'il y a quelques secrets sur lesquels nous devons veiller, they are in this central prophecy. Ils sont dans cette prophétie centrale. That's why this prophecy is central. C'est pourquoi cette prophétie est centrale. The meaning of this prophecy, la signification de cette prophétie is love to the church, love to mankind. C'est l'amour pour l'Église. L'amour pour l'être humain. This is the love of God to mankind. C'est l'amour de Dieu pour l'être humain. Because he will come like a thief. Parce qu'il va venir comme un voleur. When you are not aware. Quand vous ne vous y attendez pas. I began today by reading about the trees. J'ai commencé aujourd'hui par lire à propos des arbres. And I said the trees, the winter is near. Et j'ai dit quand les arbres, quand l'hiver s'approche, they begin to change color. Ils commencent à changer de couleur. They begin to prepare for the winter. Ils commencent à se préparer pour l'hiver. And I said the birds in the sky. Et j'ai dit que les oiseaux dans le ciel, when oui, the winter is coming, quand l'hiver vient, they say, let us go back to Africa. Ils disent, allons en Afrique, where it is warm. Où il fait chaud. And there is sunshine. Et que le soleil brille. Then we can come back when it is spring in Europe. Et alors nous pourrons revenir quand ce sera le printemps en Europe. And they normally come all the way. They follow near Egypt here. They go to Kenya. They go to a lake called Naivasha. Et ils font tout le chemin. Ils passent en Égypte. Ils vont au Kenya et ils arrivent à Naivasha. The flamingos, right? Les oiseaux, les flamants. And the stork, et les cigognes. Nommez-les. Some of them go very far. Certains d'entre eux vont très loin. But listen to these precious people. Mais écoutez ceci, précieux peuple. The trees can sense when the winter is coming and they begin to change. Les arbres peuvent sentir quand l'hiver vient et ils commencent à changer. So you end up with beautiful colors like this. Alors vous finissez par des couleurs très belles comme ceci. These are the colors of autumn. Ce sont les couleurs de l'automne. The beautiful colors. Les belles couleurs. And so they are preparing for the winter. Alors ils se préparent pour l'hiver. The birds. Les oiseaux. They also fly away. Ils s'envolent aussi. They say, if I don't leave, I'll die here. Ils disent, si je ne quitte pas, je vais mourir ici. And the cows. Et les vaches. The cattle, when the evening comes. Les vaches, quand le soir vient. They always go back home. Elles rentrent toujours à la maison. They go, each one stands near its pen. Elles vont, chacune se tient près de son enclos. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. For us as the church. Pour nous, en tant qu'église. These are the signs. Ce sont les signes. And that's why he said. C'est pourquoi il a dit. Sitting on the rock. Assis sur le roc. They have come privately. Ils sont venus en privé. And he said, watch out that nobody deceives you. Et il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Again, I said the word deceive, make sure you mark it. Encore, j'ai dit, le mot séduire, soyez sûr de l'avoir marqué. And he says, watch out that no one deceives you. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. For many will come in my name, claiming I am the Christ. Car beaucoup vont venir en mon nom, proclamant qu'ils sont le Christ. And will deceive many. Et en séduiront beaucoup. Second time the word deceive. Pour la deuxième fois le mot séduire. If you meet it, underline it. Si vous le rencontrez, soulignez-le. Second time deceive. Deuxième fois séduire. And he says. Et il dit. And will deceive many. Et en séduiront beaucoup. Let us first stop there. Arrêtons-nous là. That is the first prophecy within the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Ça, c'est la première prophétie parmi les prophéties des quatre cavaliers apocalyptiques. Which means Jesus was saying, ce qui signifie que Jésus disait, that in the days right before he come, que dans les jours juste avant qu'il vienne, there will be the greatest deception enter onto the earth. Il va y avoir la plus grande séduction qui entre sur la terre. But who was Jesus saying that he is going to be deceived? De qui est-ce que Jésus parlait qui va être séduit? Who was Jesus talking about and saying will be deceived? De qui Jésus parlait en disant va être séduit? He sat on the rock. Il était assis sur le roc. On the Mount of Olives. À la montagne des Oliviers. And the disciples came to him privately. Et les disciples sont venus à lui en privé. Just here at his feet. Juste entendre à ses pieds. And he warned them like this. Et il les avertit comme ceci. Be careful. Prenez garde. Make sure that nobody deceives you. Assurez-vous que personne ne vous séduise. He warned them here, not out there, here. Il les a avertis ici, non pas en dehors, ici. Watch out that nobody deceives you. Prenez garde que personne ne vous séduise. And he said even that one will come claiming I'm the Christ and will deceive many. Et il a dit, même que quelqu'un va venir proclamant qu'il est le Christ et séduira beaucoup de gens. Who was Jesus warning about deception? Qui est-ce que le Seigneur avertissait à propos de la séduction? Remember the disciples. Souvenez-vous que les disciples, at that time, en ce temps, they represented the church. Ils représentaient l'Église. You understand me now? Vous me comprenez maintenant? They represented the church. Ils représentaient l'Église. Which means Jesus was saying, ce qui signifie que Jésus était en train de dire that before he comes, que avant qu'il vienne, there will be a dispensation, a season, il va y avoir une dispensation, une saison of great deception in the house. De grandes séductions dans la maison. Number two, next level. Numéro 2, le niveau suivant. Next step. Le niveau suivant. Who are these disciples here? Who was Jesus warning here? Qui sont ces disciples ici? Qu'est-ce que le Seigneur mettait en garde ici? Sitting on the rock. Assis sur le roc. And saying, watch out. Et disant, prenez garde. Make sure that nobody deceives you. Assurez-vous que personne ne vous séduise. If you look at the disciples, si vous regardez les disciples, they did not only represent the church, ils ne représentaient pas seulement l'Église, but they also represented the priesthood. Ils représentaient aussi le sacerdoce. They represented the apostles. Ils représentaient les apôtres. The pastors. Les pasteurs. He told Peter, "Will you take care of my sheep?" Il a dit à Pierre, est-ce que tu vas prendre soin de mes brebis? Peter, please feed my sheep. Pierre, s'il te plaît, nourris mes brebis. They represented the pastors. Ils représentaient les pasteurs. So the Lord was saying, alors le Seigneur disait, that one of the major things that we need to watch out for, une des choses majeures sur laquelle vous devez veiller, is the dispensation of deception. C'est la dispensation de la séduction. Deception where? La séduction où? Deception in the house of God. La séduction dans la maison de Dieu. Deception where? La séduction où? Deception among the pastors. La séduction parmi les pasteurs. In the priesthood. Dans la prêtrise. Why? Pourquoi? Because the enemy knows. Parce que l'ennemi sait. That if you want to deceive the whole nation. Que si vous désirez séduire toute la nation. If you want to deceive the whole nation. Si vous désirez séduire toute la nation. And you want to finish them completely from entering. Et que vous voulez les empêcher complètement d'entrer. You only have to go into the house of the Lord. Vous n'avez qu'à aller à la maison du Seigneur. And when you enter there. Et quand vous entrez là. You need to deceive the pastors. Vous avez besoin de séduire les pasteurs. Once the pastors have been deceived. Quand les pasteurs ont été séduits. Then the whole church has been deceived. Alors toute l'église a été séduite. And once the church is deceived. Et quand l'église est séduite. The Bible says. La Bible dit. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. In other words, you are the light of the nation. En d'autres mots, vous êtes la lumière des nations. But if you have been deceived, mais si vous avez été séduit, then the whole nation has been deceived. Alors toute la nation a été séduite. Listen to this. Écoutez ceci. Luke says, Luke dit, led astray, a été égaré. We read about the highway of holiness. Nous lisons à propos de l'autoroute de la sainteté. Isaiah 35, verses 8 and 9. Ésaïe 35, les versets 8 et 9. That there is an autopista, a highway. Qu'il y a une autoroute. There is a highway of holiness. Il y a une autoroute de la sainteté. And that is the highway that Jesus charted for us, that we may be able to enter the kingdom of God. Et c'est l'autoroute que Jésus a réservée pour nous, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. There are no two roads. Il n'y a pas deux routes. There is only one road. Il y a seulement une route. There are no two messiahs. Il n'y a pas deux messies. There is only one messiah. Il y a seulement un messie. There are no two heavens. Il n'y a pas deux cieux. There is only one heaven. Il y a seulement un ciel. And there is one road that leads there. Il y a une route qui qui conduit là. And it's a narrow road. Et c'est une route étroite. When you walk on that road, quand vous marchez sur cette route, you don't find disco lights on that road. Vous ne trouvez pas des lumières de disco sur cette route. You don't find the things of the world, the pomp of the life. Vous ne trouvez pas les choses du monde, les apparats de la vie, les grands apparats du monde. C'est une route étroite. Et la Bible dit, you must first find it. Vous devez premièrement la trouver. You must first find it. Vous devez premièrement la trouver. And then walk there. Et ensuite y marcher. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The book of Luke says, l'évangile de Luc dit that deceived means led astray, que séduire signifie égarer, which means was walking on this road, qui signifie marcher dans ce chemin, and then took another road, et ensuite a pris une autre route. Two different destinations, two trois like this. Deux destinations différentes, deux comme ça. This destination goes to heaven. Cette destination va au ciel. But when the church is deceived, et quand l'église est séduite, the devil makes the church take another road. Le diable fait que l'église prenne un autre chemin. To another destination. Pour une autre destination. You didn't hear me. Vous ne m'avez pas entendu. You did not hear me. Vous ne m'avez pas entendu. Because parce que there are two different destinations. Il y a deux destinations différentes. You were walking here. Vous étiez en train de marcher là. But if you take another road, you are led astray. Mais si vous prenez une autre route, vous êtes égaré. You are heading to another destination. That's how dangerous this false prophecy is. Vous êtes en train d'aller dans une autre direction. C'est ce que cette prophétie dit. When you go to the book of Revelation where John received the translation of that prophecy. Quand vous allez au livre de l'Apocalypse où Jean a reçu la révélation de cette prophétie, you will see that the first horse is released. I don't want to jump ahead of myself. Vous allez voir que le premier cheval libéré, je ne désire pas sauter au-dessus de moi-même. And so the first number one prophecy, if I were you, I would write number one deception. Et alors la prophétie numéro 1, si j'étais vous, j'écrirais numéro 1, séduction. And deception in the church. Et séduction dans l'église. Let us move on. Allons plus loin. I believe. Je crois. That right now, que juste maintenant, as I continue, comme je continue, you are having some things playing in your head. Vous avez quelque chose qui joue dans votre tête. You are beginning to say, oh, now I understand why I have been questioning some things in the church. Vous commencez à vous demander, oh, maintenant je comprends pourquoi j'ai eu des questions à propos de choses qui sont dans l'église. Why I've been questioning, I've been wondering about some things in the church. Pourquoi je me questionnais, pourquoi je m'étonnais à propos de certaines choses dans l'église. Now you can begin to understand where the Lord is taking you to. Maintenant vous commencez à comprendre où le Seigneur vous amène. What is the second prophecy Jesus gave? Quelle est la seconde prophétie que Jésus a donnée? You will hear of wars and rumors of wars. Vous allez entendre à propos de guerre et de rumeurs de guerre. But see to it that you are not alarmed. Mais en voyant cela, ne soyez pas alarmés. Such things must happen, but the end is still to come. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. And he says, et il dit, verse 7, au verset 7, nation will rise against nation. Une nation s'élèvera contre une nation. And kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. I want to stop there. Je désire arrêter là. The second prophecy. La deuxième prophétie. That Jesus loved us, he gave to us. Que Jésus qui nous a aimés nous a donné. The first one is deception. La première est séduction. He said, if you will see deception entering the church. Il dit, quand vous verrez la séduction entrer dans l'église, just prepare, know that I'm coming. Alors, juste, préparez-vous. Sachez que je viens. Number two, he says, au numéro 2, il dit bloodshed. Des effusions de sang. Wars. Des guerres. These are bloodshed. Ce sont des effusions de sang. There will be bloodshed on the earth. Il y aura des effusions de sang sur la terre. On the church, on his people. Sur l'église de son peuple. Bloodshed is the second prophecy. Les effusions de sang, c'est la seconde prophétie. And he said, et il a dit, there will be two types of bloodshed. Il y aura deux sortes d'effusions de sang. One of them will be nation fight against another nation. Une d'entre elles sera une nation luttant contre une autre nation, and the other will just be reckless bloodshed. Et l'autre sera juste des effusions de sang téméraire. The type of bloodshed you see in Somalia. La sorte d'effusion de sang que vous voyez en Somalie. The type of bloodshed you see in Mexico with the drug gang. La sorte d'effusion de sang que vous voyez au Mexique avec la drogue. Colombia, en Colombie. DR Congo. En République démocratique au Congo. The internal wars in many countries. Les guerres éternelles dans beaucoup de contrées. And another type. Et un autre type. Is the type of war you saw in Iraq. C'est la sorte de guerre que vous voyez en Irak. The type of war you see in Afghanistan. La sorte de guerre que vous voyez en Afghanistan. They are still happening until now. Elles ont encore lieu maintenant. Some of them are changing faces. Quelques-unes d'entre elles ont changé de visage. The coalition of nations. La coalition des nations. They come and fight in Iraq. Ils vont et luttent en Irak. When they withdraw. Quand ils quittent. The Iraqis fight each other now. L'Irak lutte l'un contre l'autre maintenant. The same thing you see in Afghanistan. La même chose, vous la voyez en Afghanistan. The same thing you see in Waziristan in Pakistan. La même chose que vous voyez en Waziristan et au Pakistan. And many other nations. Et beaucoup d'autres nations. The post-election violence in Kenya. Les violences d'après les élections au Kenya. After the election. Après les élections. Many of these wars, that is what the Lord spoke about. Beaucoup de ces guerres, c'est ce dont le Seigneur parle. He said, il a dit, there will be wars. Il y aura des guerres. A nation will rise against nation. Et une nation s'élèvera contre une nation. And kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. Listen to this. Écoutez ceci. That means there will be bloodshed in those days. Ça signifie qu'il y aura des effusions de sang en ces jours. And I don't want to mention the other bit, I'm coming to it, what you see in Tunisia, Egypt, Libya. Et je ne désire pas mentionner les autres affaires. J'y viens, ce que vous voyez en Tunisie, Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie, toutes ces choses. The book of Luke. L'évangile de Luc. How does Luke put it? Comment est-ce que Luc en parle? Just go to Luke 21 verse 9. Allons à Luc 21 verset 9. Luke 21 verse 9. Luc 21 verset 9. The Lord said, le Seigneur dit, in the last days, dans les derniers jours, he will separate nations, il va séparer les nations, according to goats nation, the sheep nation. Et séparant les boucs nations des brebis nations. These are the days, ce sont les jours, when the Lord is harvesting nations, où le Seigneur récolte les nations. Luke chapter 21 verse 9, et Luc chapitre 21 verset 9, il dit, he says, when you hear of wars, il dit, quand vous entendez parler de guerre and revolutions, et de révolutions, do not be frightened. Ne soyez pas effrayés. Revolutions. Des révolutions. You see what's happening in Libya. Vous savez ce qui est arrivé en Libye, in Tunisia, en Tunisie, Egypt, en Égypte. In Tunisia, they overthrew the president. En Tunisie, ils ont renversé le président. They came to Egypt, overthrew Hosni Mubarak. Ils sont venus en Égypte et ils ont renversé Moubarak. Libya overthrowing the president. La Libye a renversé son président. Syria overthrowing the president. Oui, la Syrie a renversé son président. Revolution, revolution. Révolution, révolution. Are you seeing these things? Avez-vous vu ces choses? Do you understand the importance of this prophecy? Est-ce que vous comprenez l'importance de cette prophétie? That you may know when the Messiah is about to come. Pour que vous puissiez savoir quand le Messie est sur le point de venir. Like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. De même il en sera à la venue du Messie. The heaven opened. Les cieux se sont ouverts. And I saw the rings. Et j'ai vu les anneaux. The heaven opened. Les cieux se sont ouverts. I saw the clock. J'ai vu l'horloge. The heaven opened. Les cieux se sont ouverts. I saw the glory. J'ai vu la gloire. Like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Ainsi il en sera à la venue du Messie. Like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Ainsi il en sera à la venue du Messie. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. He says the animals going in were male and female of all creation. Il dit, les animaux qui entraient étaient mâles et femelles de toute la création. The animals going in. Les animaux qui entraient into the ark. Dans l'arche. And then he says, ensuite il dit, and the Lord, et le Seigneur, shut the door, ferma la porte. In fact, in English they say, and the Lord shut him in. En fait, en anglais ils disent, et le Seigneur l'a fermé à l'intérieur. Noah and his family and the animals. Noé et sa famille et les animaux. But in Spanish it's very beautiful. Mais en espagnol c'est très beau. Because in Spanish it says, Señor cerró la puerta. Parce que en espagnol il est dit, Señor cerró la puerta. It says the Lord himself shut the door. Il dit, le Seigneur lui-même a fermé la porte. Right now the door is still open. Juste maintenant, la porte est encore ouverte. Please enter. S'il vous plaît, entrez. Yes, it is still open. Oui, c'est encore ouvert. Like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Ainsi il en sera à la venue du Messie. And the Lord. Et le Seigneur. Shut the door. Ferma la porte.